vivre volté, vivre révolté. À quel prix, avec quel degré de sincérité? Vers quoi dériver? À quoi se cantonner? Quelle attitude adopter? À ses envies rester fidèle. Tant de questions existentielles nous compressent l'esprit et sort détresse, euphorie, remise en question, parfois tout compris en une seule et même émotion. Où m'emmène le crayon? Mon cœur est l'unique patron dans ce moyen d'expression. Comment en est-ce dernier pour comprendre aux sources du FBK? Faudrait remonter à morceau zéro comme le veut la tendance. Après la trilogie, on recommence à l'enfance. 94, le début d'une démence. À l'époque, elle s'appelait hip-hop avant la déchéance. Paradoxal quand on sait qu'elle m'a fait renoncer à East 17, est tout merdier. Aujourd'hui, elle me pousse à la renier pour y ressembler. Bref, assassin, un choc qui a fait de moi un jeune éclairé. Un manque d'éducation parentale compensé par des textes bien pensés, stimulés. Ça m'a poussé à imiter, puis à créer et forger une personnalité. On soutient le besoin de partager son exutoire et c'est là que tout part. On voulait tout et tout de suite, le problème on n'avait rien. Il fallait se bouger plus que d'autres, on le savait bien. Je me souviens des chansons enregistrées en cachette avec la platine du père de Lucas, c'était chouette. Peu importe la qualité, il fallait que ça envoie. Et le vinyle de squat c'était épuisé comme ça. Je me souviens qu'on s'est demandé comment faire du son. Et ma PlayStation 2 a permis de faire à ma façon. Et puis y'a eu les rencontres, celles qui apprennent et encouragent à balancer sur multipistes ce qui faisait notre âge. D'abord le sociopathe, j'ai nommé Gangsta Vibe, aussi talentueux que fou, aussi frais qu'ingérable. Puis débarque la lune Malex et bientôt Xian. À la fois nos mentors, à la fois nos premiers fans. J'ai la foi en le travail fourni par le fire. On cherche l'instru de malade, on cherche à faire mal. FBK c'est pas qu'un groupe, plus un état d'esprit. D'avoir peur de personne, rentrer dedans sans souci. Et pour les mauvaises langues qui croient que c'est facile pour nous, on avait rien du tout et regarde on est où. On dit pas qu'on est des stars mais putain ce qu'on s'éclate. Attends, de meilleures faces sur un son de plus en plus fat. Peu importe où ça mène, peu importe la fin, car c'est une histoire humaine de deux sauces qui avaient faim. 2001, rentrée scolaire en BEP, l'amitié frappée par le décès. À la surface, je tente de surnager, le corps est là, mais la flamme y est restée. Sans calculer, une opportunité va se présenter. Comme un clown sorti d'un paquet, je vais tomber sur l'enfoiré. Infamous Seven, mais pas encore tracé. Des affinités débiles viennent pointer leur nez rouge et tout renaît, tout bouge. 21-04-2002, premier essai lyrical, déclic fatal, colport par ça. Un blason ressort, une prise de conscience tout d'abord. FPK, soldat au rapport. Toi c'est Kensai, moi c'est Khalid. Sans prétention, sans jouer les caïds. On va gratter le papier, poser sur du carré. Genre Dr. Dre, tous en balai, tous construits. Enregistrer une cassette sur le karaoké de ma sœur. Ok ok, on va tout niquer. Je rêvais juste de faire du son, de créer un musique 3000. Que j'ai usé de long à large, que mes baskets usèrent ma ville. Après je passe à Fruity Loops pour créer l'atmosphère. Au-delà de mes attentes, sur l'ordi je transpire. Parfois avec une MPC, parfois juste sur mon PC. Que je martyriserai jusqu'à l'heure de son décès. Et ce n'est que le début, car j'annonce les instruments. La dynastie FBK va vous saouler pour longtemps.